Chapitre 21e. À Monsieur Édouard Chamberlain, Paris, 24 septembre. Mon cher cousin, votre lettre datée du 21 m'arrive ce matin seulement. Je n'ai pas besoin de vous dire, n'est-ce pas, avec quelle joie je la reçois et la lis. Depuis 9 jours que vous êtes parti, nous étions sans nouvelles, car je ne peux pas appeler nouvelles les quelques renseignements que Denisot nous apportait. Renseignements contradictoires d'ailleurs et sans aucune valeur, puisque dans ses voyages, il n'avait pas pu vous voir. Quand je lui ai dit ce matin que j'avais une lettre de vous, il s'est arraché les cheveux. Une lettre, et il ne l'avait pas apportée. Je suis bien certaine que celle-ci vous sera remise, et que n'importe comment il vous trouvera, dut-il rester jusqu'à ce moment sans manger et sans dormir. Ce n'était pas seulement l'absence de nouvelles directes et précises de vous qui nous tourmentait. C'était encore ce que nous apprenions par les journaux ou par les rumeurs qui arrivaient jusqu'à nous. Car nous savions qu'on se battait autour de Paris, et nous savions aussi que vous aviez pris part au combat du 17 aux environs de Créteil. On parlait de morts et de blessés en grand nombre, sans pouvoir dire quel régiment avait fait le plus de pertes. Jugez de mes angoisses. Mon oncle, qui heureusement a des connaissances partout, parvint à voir quelques-uns des blessés de votre combat, et il sut d'une manière à peu près certaine que nous n'avions rien à craindre pour cette fois. Mais nous n'étions pas plutôt rassurés de ce côté que de nouvelles inquiétudes vinrent s'abattre sur nous. Nous avions été avertis qu'une affaire se préparait au sud de Paris, et le matin, Horace était parti avec les voitures de l'ambulance pour Montrouge. Votre bataillon devait-il prendre au combat? Nous n'en savions rien. La veille au soir, Denisot avait appris à Vincennes que vous étiez parti pour une expédition, sans qu'on pût lui dire de quel côté vous vous étiez dirigé. Il fallait attendre. Tout le personnel de l'ambulance était à son poste. Pour moi, j'étais dans la lingerie, mais les bandes que je roulais tremblaient dans mes mains. Vers 1 heure, on vint nous dire que tout était perdu. On avait vu des zouaves se sauver en hurlant dans les rues de la rive gauche. Les Prussiens les suivaient. Avant le soir, ils seraient maîtres de Paris. À 2 heures, la première voiture d'ambulance arriva, apportant 2 blessés, l'un grièvement à la jambe, l'autre à la main. Il fallut s'occuper de ces malheureux. Cependant, je ne pus pas m'empêcher de leur adresser une question, non à celui qui avait la jambe cassée, il souffrait trop pour que j'eusse la cruauté de l'interroger, mais celui qui était blessé à la main. Où avez-vous reçu cette blessure? À Châtillon. Les volontaires de Paris étaient-ils avec vous? Mais ils ne connaissaient pas les volontaires de Paris. Ils n'avaient vu que les régiments de ligne et de la mobile. J'étais folle de vouloir faire parler ce pauvre garçon qui, évidemment, ne pouvait savoir que ce qu'il avait vu et encore. Horace rentra dans la soirée avec les 2 autres voitures, ramenant aussi 2 blessés en bien mauvais état. Il nous rassura sur votre bataillon en nous affirmant qu'il n'avait pas été engagé. Il avait parlé à un officier de l'état-major et il savait quelles troupes avaient pris part à l'action. Toutes troupes de ligne et un bataillon de mobiles. Ne soyez pas surpris du petit nombre de blessés qui nous a été amenés après ce combat, qui là, ça a dû être très meurtrier. Toutes les routes étaient encombrées de voitures sur lesquelles on avait arboré le drapeau à la Croix-Rouge. Chacun voulait avoir son blessé et on se les disputait, on se les arrachait pour ainsi dire. Horace, qui, vous le savez, ne perd jamais le sentiment des choses drôles, dit que c'était un spectacle curieux. « Venez avec moi, » disait ceci, « vous aurez du bon Bordeaux. »« Venez chez moi, » disait cela, « vous serez dans une bonne maison. » Et chacun faisait ses offres de service devant sa voiture. Sur nos 4 blessés, Horace n'en eut qu'un seul de bonne volonté, celui qui a reçu une balle dans la main. Les 3 autres, frappés aux jambes, ont été ramassés par les brancardiers et emportés sans avoir la possibilité de choisir leur ambulance. Aussitôt après le pansement de mes blessés, je suis entré dans leur tente et je suis resté avec eux une partie de la journée. Ils m'ont conté leurs affaires et j'écris des lettres pour eux. Il fallait voir comme ils étaient heureux. Ce sont de braves garçons, tous pleins de cœur et de bons sentiments. L'un est de Paris, les autres sont de la province. Ils appartiennent à différents régiments. Celui de Paris, c'est le plus sérieusement blessé, et il est possible qu'on lui coupe la jambe aujourd'hui ou demain, n'a pas voulu que j'écrive pour lui. Il a fini par me donner l'explication de cette résistance. Il était le soutien de sa mère et de 4 autres frères et sœurs, trop jeunes pour travailler. Quel coup pour la pauvre mère que cette lettre. C'est parole par parole que je lui ai arraché son histoire. Alors j'ai compris ce qu'il désirait. Je lui ai promis d'aller moi-même porter cette triste nouvelle à sa mère. Si vous aviez vu sa joie. Puis je lui dis encore que l'homme généreux qui avait établi cette ambulance voulait que les malades qu'il recevait trouvassent chez lui tout ce qui pouvait assurer leur guérison, aussi bien physiquement que moralement, de sorte qu'il ne devait pas se tourmenter pour sa mère. Si elle était dans le besoin, je prenais l'engagement de lui venir en aide. Il devait donc n'avoir d'autre souci que sa guérison. Ai-je bien fait ? Il me semble que vous m'approuverez et que vous me direz que j'ai agi d'après votre inspiration. En tout cas, si je me suis trompé, il faut que je dise pour ma défense que je n'ai point regardé votre portrait. Ce n'était pas possible. J'étais penché sur le lit de ce pauvre garçon, dont les yeux fiévreux ne me quittaient pas. Dans la journée, les nouvelles nous sont arrivées sur le combat de la veille un peu moins effrayantes. Et le gouvernement lui-même a pris soin de nous rassurer. Il paraît que si notre aile droite s'est retirée avec une regrettable précipitation, cela n'a pas empêché nos troupes de se concentrer définitivement dans Paris et d'obtenir des résultats considérables. J'aurais voulu accomplir ma promesse et aller voir la mère de notre blessé, mais il m'était impossible de le faire aussitôt, et j'ai dû attendre 2 jours. D'ailleurs, j'avais en outre une trop bonne raison pour différer cette démarche. On devait décidément lui couper la jambe et je voulais pouvoir dire à la pauvre femme comment son fils avait supporté cette opération. C'est avant-hier qu'il a subi cette amputation qui a très bien réussi, et c'est hier seulement que j'ai fait ma visite rue des Lions-Saint-Paul où demeure sa mère. J'avais demandé à Madame Bénard de venir avec moi, et elle avait bien voulu m'accompagner. Tout ce que le pauvre garçon m'avait dit était parfaitement vrai. Mais il avait atténué la vérité plutôt qu'il ne l'avait exagérée. Il s'était engagé, et depuis son départ, sa mère, n'ayant plus de travail, était tombée dans une effroyable détresse. Peu à peu, elle avait vendu les différentes pièces de son mobilier pour manger, et n'ayant plus rien à vendre, on ne mangeait plus, ni les enfants ni elle. Alors je me suis rappelé vos recommandations, et Madame Bénard et moi nous sommes allés chez un marchand, où nous avons acheté des lits, des matelas, du linge, des couvertures, et nous avons fait porter le tour rue des Lions-Saint-Paul devant nous. Puis j'ai dit à la pauvre femme que j'étais chargé, par une personne généreuse, de secourir ceux qui étaient dans le besoin, et que jusqu'au jour où son fils pourrait travailler, elle recevrait 5 francs par jour, qu'elle toucherait toutes les semaines en venant voir son fils. 5 francs, c'est peut-être beaucoup, d'autant mieux que nous avions déjà dépensé une grosse somme pour le mobilier. Mais aussi, pourquoi avez-vous commis l'imprudence de me confier ce livre de chèques ? Je n'ai pas pensé l'argent, je n'ai pensé qu'à vous. » Elle a voulu savoir le nom de cette personne généreuse et je lui ai dit qu'elle s'appelait Édouard Chamberlain. Il était alors environ 3 heures de l'après-midi. Est-ce qu'à ce moment vous n'avez pas ressenti un mouvement de satisfaction ? Le bonheur de cette femme n'a-t-il pas été faire battre votre cœur ? Il semble qu'il doit se faire de ces communications mystérieuses. En tout cas, comme les riches peuvent être heureux du bonheur qu'ils donnent. Pour moi, qui ne suis que la main par laquelle passent vos générosités, je suis toute fière d'avoir été choisie par vous pour faire du bien à ceux qui souffrent. Quand nous sortîmes de la rue des Lions-Saint-Paul, on n'entendait plus dans le sud les détonations du canon et les mitrailleuses qui toute la matinée avaient ému Paris. On ne se battait plus. Que s'était-il passé ? Rue de Rivoli, nous vîmes défiler des canons et des mitrailleuses. Les pièces étaient noircies par la fumée. Les hommes et les chevaux étaient blanchis par la poussière. C'était le retour de la bataille. Les chevaux marchaient la tête basse. Les hommes regardaient autour d'eux d'un air morne. Instinctivement, je serrai la main de Madame Bénard et elle n'eut pas besoin de mes paroles pour comprendre quels étaient mes pressentiments et mes angoisses. Nous avions eu encore le dessous. Nous nous étions arrêtés, nous regardions ce défilé, le cœur serré, n'osant interroger ceux qui nous entouraient. Mais bientôt, un bataillon d'infanterie arrive, son drapeau est orné d'un gros bouquet de fleurs fraîches. Nous sommes vainqueurs, et nos mains se pressent chaleureusement. Au loin, les clairons sonnent. on voit sans doute sur notre visage combien vivement nous désirons apprendre ce qui s'est passé. Et un monsieur nous adresse la parole. Encore une journée comme celle-là et l'armée prussienne est disloquée. Nous venons de lui tuer 10 000 hommes à Villejuif et de lui faire 25 000 prisonniers. Les mitrailleuses ont tout fauché. Nous nous hâtons de rentrer pour porter cette bonne nouvelle à nos blessés, qui se mettent à rire et à chanter. Même notre pauvre amputé qui chante « Mourir pour la patrie » et qui crie « En avant !» Aujourd'hui, il faut en rabattre. On n'a pas tué 10 000 hommes et on n'a pas fait 25 000 prisonniers. Mais enfin, on a repoussé l'ennemi et repris une partie des positions perdues 4 jours auparavant. Il me semble que c'est quelque chose et même que c'est beaucoup. Il n'est donc plus question de se concentrer dans la ville. On avance et par suite on élargit le cercle qui nous enserre et veut nous étouffer. Il est probable que si ce mouvement se continue, et il faut espérer qu'il va se continuer, cela va rendre l'échange de nos lettres de plus en plus lent, en augmentant les difficultés que Denisot aura à vous trouver. Mais si douloureuse que soit cette privation de nouvelles, je ne pourrai pas m'en plaindre. S'il est causé par notre marche en avant. Ce n'est pas par nos sentiments intimes que nous devons nous laisser inspirer en ce moment, au moins quant à ce sujet. En avant, c'est en vous qui combattez. Quel espoir de Paris et l'honneur de la France. Il n'est pas possible que des gens qui se battent pour leurs femmes et leurs enfants, pour l'honneur et la liberté de leur patrie, ne se battent pas bien. Je vous demande pardon d'oser avoir une opinion en pareille matière. En réalité, ce n'est pas une opinion, c'est une confiance instinctive. C'est la foi aveugle et irréfléchie, si vous voulez. Mais je voudrais que cette foi passât un peu en vous, pour affaiblir les préventions de l'homme de métier. Surtout, je voudrais qu'elle passât en ceux qui nous dirigent, et qui, je le crains bien, ont encore de plus grandes préventions que vous. Que faire si ceux qui sont chargés de la défense n'ont pas confiance dans la défense? Enfin, je parle là de choses qu'il ne m'appartient pas de traiter, et si je vous l'ai dit, c'est parce qu'elles m'obsèdent l'esprit et me serrent le cœur. Et pendant que je m'étends, j'oublie de vous donner une nouvelle qui sans doute vous intéressera. Avant-hier, j'ai reçu la visite de Madame la Marquise de Lucilière. Elle s'est présentée pour examiner l'ambulance et elle a demandé à me voir. Naturellement, je l'ai accompagnée dans sa visite. Elle a voulu tout examiner, les tentes, la pharmacie, la cuisine, la lingerie, les voitures. Elle a organisé aussi une ambulance chez elle. Elle voulait, m'a-t-elle dit, s'inspirer de ce que vous aviez fait, bien que cette ambulance ne ressemble nullement à la vôtre, puisqu'elle est installée dans les appartements de l'hôtel Lucilière. Elle a été enthousiasmée par ce qu'elle a vu, et si je vous répétais tout ce qu'elle a dit, vous rougiriez, assurément. Pour moi, j'étais confuse, car elle m'a adressé des compliments que je ne méritais pas et que je ne pouvais pas accepter. Cependant, malgré son enthousiasme pour notre ambulance, et malgré la conviction qu'elle paraissait ressentir que les blessés devaient être beaucoup mieux traités chez vous qu'ils ne le seraient chez elle, elle a voulu nous enlever un de nos blessés. Elle n'en a pas encore, et elle est désolée. Elle prétend que son cocher, qu'elle avait envoyé à Montrouge le jour du combat de Châtillon, n'est qu'un maladroit. « Donnez-moi un !» disait-elle à chaque instant. De guerre lasse, ne sachant plus comment trouver de nouvelles formules de refus, je lui dis d'adresser elle-même sa demande à celui qui est blessé à la main. Le seul qui soit en état de quitter l'ambulance. Si vous saviez comme elle l'a cajolé pour le décider à la suivre, mais il ne s'est pas laissé toucher. À toutes les offres que Madame de Lucilière lui faisait, il riait et répondait « Non, merci, je suis bien ici. Je ne peux pas faire à cette demoiselle l'injure d'abandonner sa cuisine pour une autre. Et puis, qu'est-ce que diraient les camarades si je les plantais là? Nous sommes déjà amis, ils s'ennuieraient de moi, et moi je m'ennuierais d'eux. Merci bien. » D'ailleurs, il faut dire que la demoiselle c'est moi, nous a commencé la lecture d'un livre qui m'intéresse, et j'ai envie de savoir la suite. Tout a été inutile, il a persisté dans son refus, riant toujours, mais toujours refusant. Voilà, j'espère, un triomphe. La visite de Madame de Lucilière a duré près de 2 heures, et elle m'a longuement parlé de vous, comme vous devez bien le penser. Ce qu'elle m'a dit, je ne pourrais pas vous le répéter. Mais ce qui résulte de cette longue conversation, c'est qu'elle éprouve pour vous une vive affection. Je voudrais entrer dans quelques détails, mais l'heure me presse. Il faut que j'aille reprendre ma lecture qui intéresse mes blessés, et si j'étais en retard, ils s'impatienteraient. Ils vont aussi bien que possible, et dans l'hôtel, tout marche admirablement, comme si vous étiez au milieu de nous. Cela tient sans doute à ce que votre esprit y est resté pour nous diriger et nous inspirer. Pour moi, je n'ai qu'à me louer de tout le monde, et particulièrement de Horace, qui est le dévouement même. Tranquillisez-vous donc de ce côté, et ne soyez pas inquiet de ceux que vous laissez derrière vous quand vous marcherez en avant. Croyez à toute l'affection de votre dévouée, Thérèse.